Le concert consacré au centenaire de naissance du compositeur Kim Il-sung s'est déroulé au Grand Théâtre de Pyongyang-Est. Y ont assisté les cadres, créateurs, artistes, journalistes, rédacteurs du domaine littéraire et artistique et du domaine de la presse écrite et parlée, les enseignants, étudiants et élèves des établissements d'enseignement artistique, ainsi que les familles du défunt. Y ont été invités les compatriotes coréens d'outre-mer en séjour en Corée, les représentants diplomatiques de divers pays et des institutions internationales, les attachés militaires à Pyongyang et autres hôtes étrangers. Sur la scène, commencée par le duo vocal féminin et le chœur féminin, chant de Man Gyeongdae, sont montés surtout le concerto pour piano au combat à mort et la musique d'orchestre et le chœur Abondance dans la plaine de Cheongsan.